Planet Rap. À partir de maintenant, radio validée par Skyrock. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Gradure. On est là. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Gradure. Okay. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour la dernière soirée avec Gradure. Comment va? Ouais, ça va et toi, Fred? Une grosse semaine, hein? Ouais, une grosse semaine. Quelques jours avant la sortie de l'album, ça y est, ça arrive, c'est lundi. Enfin, l'homme au bob débarque lundi 23 février. Ouais. Toujours en précommande, hein, ceux qui veulent l'avoir ce week-end aussi, vous cliquez, vous allez récupérer l'album de Gradure. Voilà. On va continuer à le découvrir, évidemment. On va passer pas mal d'extraits ce soir dans l'émission. Ouais. Avec Gradure, le Shaggy Squad qui est là, qu'on salue aussi. Si. Et on va se rappeler sur tout ce qui s'est passé durant toute cette semaine. Voici le replay de la semaine sur Skyrock. Vas-y, c'est parti, Fred. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Le mec avec nous n'arrête jamais. Wow. Jamais. T'en as fait un morceau, mais jamais. C'est la musique, on aime trop ça, c'est un travail. Hier soir, j'ai vu des vidéos avec des amis, vous étiez en studio. Ouais, on était en studio. Et qui ont lâché quelques 16 quelques impros. Ou des 8,5. Ah oh. Il est chaud. C'est né où ça, chez sa vie, sur la porte. C'est né où ça, chez sa vie, sur la porte. Je suis tout là-bas. On sait d'où ça, chez sa vie, sur la peuf. Sa vie, sur la peuf. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. On sait d'où ça, chez sa vie, sur la peuf. C'est d'où ça, chez sa vie, sur la peuf. Je suis tout là-bas. On sait d'où ça, chez sa vie, sur la peuf. C'est le feu. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Je l'ai fait malade, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Planet Rap. Est-ce que t'as vu tous les morceaux de toi qui ont été repris? Toutes les différentes reprises qui existent de Gradure? Non, j'ai pas vu. T'as jamais écouté? J'ai pas tout vu. Tiens, t'as fait une petite sélection, écoute ça. D'accord. Planet Rap. Au régiment, j'avais mon pharmacie Lily. Et au Tchécard, j'avais mon 762. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 Dixon. Tire des balles sur des cibles, quand je m'aime sur un beat. Moi j'avoue comme un pile, et ta gomme tisse la bille. Dans le secteur j'habite, si je continue, pas de buzz qu'elle me demande en pile. Planet Rap. Voilà une petite sélection de tout ce qu'on peut trouver sur toi. Ouais, c'était pas mal. C'était toute cette semaine. Planet Rap. Y'a du monde derrière ou pas? Avec Gradure sur Skyrock. Et ouais, y'a du monde derrière. Les bon, léger, y'a du monde ou pas? Ouais. Ça marche tout de suite mieux quand tu c'est le fais, Gradure. C'est le squad. Planet Rap. Maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long char. Je répète, mon papa veut du bif. Maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long char. Je vais tous les terrasser. 5-9, un max de prix, Planet Rap. Mon joint est chargé, pop ton chargeur. Ouais, pop ton chargeur. 3-5-7, ta boule dans le rover. Dans les cités Carter. Carbotiné. Ouais, fuck les donneurs. J'fais peur au game comme Blue Limer. Tout le monde. Comme Blue Limer. Mon joint est chargé. Fuck ton chargeur. 3, 5, 7, cagoule dans le rover. Dans les cités Carter. Corbal, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs. Planet Rap. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Je t'en prends le pêche, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Nida. Ils me sentent arriver, ils ont commencé à se replier. Squad. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Chégué. Je dois prendre le pêche, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Planet Rap. On m'a dit travail petit, ça va payer. Ça va payer. Ça travaille, soit peu bavard, ouais, pense à monnaie. Voilà tout cas du pays, j'accélère sans freiner. Mettre la mifa à l'abri, hey, avant de pouvoir saigner. Course à la monnaie, course au bif. Gaba, on te connaît, oui, on te connaît, on sait que tu kiffes. On sait que tu kiffes, on sait que tu sniffes.

verront jamais. J'ai pris des foncés sous Jack avec une grosse ménagée. J'ai dépassé tous mes ennemis, ne reverront jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais. C'est le Planète Rap avec Gradure et ce morceau qui s'appelle Jamais, c'est aussi la dernière soirée de ce Planète Rap avec Gradure. Donc on va aussi évoquer l'album. Léger. Peut-être aussi rappeler certaines choses qu'on n'a pas eu l'occasion de dire durant cette semaine. Gradure, toi, qu'est-ce qui te semble évident qu'on a peut-être pu oublier durant cette semaine? Une chose que tu aimerais préciser autour de l'album? Peut-être autour des featuring dont on peut parler aussi. Ouais, les featuring, ouais. Les featuring. Des petits souvenirs, par exemple, aux États-Unis, avec Migos, quand t'es parti à Atlanta. Voilà, Atlanta, franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment lourd. Donc, ça, c'est un clip qui arrive. Ouais, il y a deux clips qui arrivent. Il y a deux clips qui arrivent. Ouais. Il y a Stringer Bell qui arrive. Mm-hmm. Le clip de Stringer Bell. Et un gros clip avec Migos aussi, l'homme au Bob, qui arrive, qui ont été tournés à Atlanta. Donc, ça a été tourné dans le. Dans le bluff. Le bluff. Ouais. Donc c'est le ghetto d'Atlanta un petit peu, ouais, non? C'est ça. C'est ça. Ouais. Toi, t'as été accueilli comment bien? Ouais, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien accueilli. C'était vraiment lourd. Il y avait une alchimie. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Qu'est-ce que tu gardes d'ailleurs en tête de tous ces voyages? Parce que t'as jamais autant voyagé en fait avec cet album, la musique, t'as jamais fait autant voyager, ouais, en fait. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Tu imagines, je voyage juste pour de la musique. Ouais. C'est lourd. Donc il y a des souvenirs en particulier, je sais pas, des images. Genre, il y a eu l'Afrique, on a évoqué l'Afrique avec Mokobé cette semaine. L'Afrique avec Mokobé, c'était vraiment, vraiment lourd aussi au Mali. Au Mali, ouais. Au Mali, c'était lourd, ça m'a fait du bien un peu de se ressourcer, de voir les racines. Après, il y a eu la Thaïlande aussi. Ah, Thaïlande. La Thaïlande, ouais, c'était le feu. Oui, j'ai vu des grands sourires, c'est vrai. Et ouais. Encore des nouveaux, des grands sourires de Thaïlande autour de la table. Ouais, ils faisaient, parce qu'on était souvent défoncés. Ouais. Il faisait beau. Bah, jet ski. C'est un peu les vacances, donc. Voilà, on a profité comme on a pu, même si c'était court. C'était lourd. Atlanta, il y a eu Chicago aussi. Mm-hmm. Chicago, j'ai rencontré plein de rappeurs là-bas. Les Johnny Mac. Chief Keef, c'était fait où d'ailleurs le featuring? Parce que lui, il vient de Chicago, mais je crois qu'il est à Los Angeles. Non, il est à Los Angeles. Maintenant, il vit à Los Angeles. Ouais, il est à Los Angeles. Donc, ça s'est fait par l'intermédiaire de Young Chop, mm-hmm. avec qui je parlais, avec son équipe. Et Johnny Mac Cash aussi, qui est son petit frère. Et on a eu les contacts, on a parlé, et ça s'est négocié, ça s'est fait. Et là, je vais pas tarder à aller à Los Angeles aussi pour le clipper. Ça, tu connais pas non plus Los Angeles? Non, Los Angeles, j'ai pas encore fait. Eh bah, que de voyages t'attendent dans les... Voilà. T'aurais pu imaginer, toi, d'ailleurs, gamin, quand t'as commencé, ou un peu plus jeune, quand t'as commencé le rap, de dire, voilà, cette musique m'emmène un peu partout sur... T'imagines, là, t'as fait plein de continents, en fait. T'as fait l'Asie, t'as fait les États-Unis, enfin, l'Amérique. Ouais, l'Afrique, évidemment. L'Afrique, ouais. C'est déjà un seul trois continents d'un seul coup. Jamais de la vie. Toi qui étais là-bas dans ton 5-9, en train de gratter, en train de, ouais. de galérer même aussi un peu à l'armée. Ouais, jamais de la vie j'aurais pu penser ça. C'est une belle aventure, l'homme au Bob, c'est une belle aventure, c'est une aventure difficile. Parce que tout ce que j'endure, ça arrive trop vite en fait. C'est vrai? Donc t'as même pas le temps de souffler, c'est difficile. C'est difficile, même si les gens ils comprennent pas, c'est difficile tout ce qui m'arrive. Donc c'est, le plus dur aussi c'est de garder les pieds sur terre et pas prendre la grosse tête. Pas prendre la grosse tête, ça va, j'y arrive pour l'instant. Écoute, j'ai l'impression, je peux témoigner, j'ai l'impression que, voilà, on s'était vu l'automne dernier quand t'étais venu pour présenter le projet. Ouais. J'ai pas vu beaucoup de différence. Ouais, pas de changement. Mais c'est vrai que ça doit être très bizarre d'un seul coup parce que, voilà, alors tu le sentais, il y avait un engouement déjà depuis une grosse année, grosso modo. Ouais, il y avait un engouement. Mais là, ça se traduit par quoi? C'est, voilà, plein de gens qui te reconnaissent, plein de gens qui te. Voilà, qui t'alpaguent. Ouais, c'est difficile de marcher tranquillement dans la rue, mais. Après, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on se plaint. Quand il n'y a rien, on se plaint. Ouais. Et quand il y a plein de choses, on se plaint aussi. Après, c'est vrai que d'un seul coup, quand tout arrive d'un seul quand coup. Quand tout arrive d'un seul coup, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Pour pouvoir gérer. Voilà, c'est difficile de pouvoir gérer tout ça. Tout ce qui arrive, l'entourage aussi, les gens qui veulent profiter. Les gens ça, tu le dis dans les, ouais, tu le dis un peu dans les morceaux aussi. Ça, c'est ouais, que tu... Les gens qui sont jaloux aussi, des fois, il faut se battre. Hein. Tu vois, c'est pas facile. Ça te surprend ça justement, ouais, ce côté jalousie ou sur non, parce que, qui va un peu avec le succès parce que non, quand... ça me surprend pas, c'est le revers de la médaille, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Si tu réussis dans la vie, que ce soit même dans la musique ou ailleurs, il y aura toujours des jaloux. Tu vois. Donc c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les domaines. Tu vois, même toi, il y a des gens qui ont envie ta place. Ah oui, il y a des gens qui ont envie ta place. Donc quand tu travailles dans une entreprise, c'est imagine-toi que maintenant t'es un simple ouvrier. Et boum, maintenant tu commences à passer patron. Tu deviens patron, ouais. Voilà, les gens ils vont pas comprendre. Donc les gens ils vont t'haïr aussi dans le travail. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Après c'est juste qu'il faut bien s'entourer. Faut bien s'entourer. Faut parler. Faut beaucoup de communication aussi au sein du groupe. Tu vois, même au niveau de la maison de disque, hein, à la base, parce que moi je voulais pas signer. C'était dur de l'accepter. Je commence à l'accepter doucement. Oui, il a signé chez Universal. Hein. Voilà, je signe chez Barclay. Et même Alex, hein, le directeur artistique, il peut te le dire que je voulais pas. Je lui ai fait la misère un peu. Je lui ai fait la misère. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gênait avec le côté major, côté maison de disque? Parce que je t'ai dit, la musique c'était mon sang. Je voulais, premier album, je voulais le sortir tout seul. Je voulais le sortir tout seul. Mais peut-être qu'il y a des gens qui croyaient pas en moi. Il y a des gens dans mon entourage, peut-être qui croyaient pas en moi, qui croyaient que j'étais pas capable de le faire. Mais c'est comme ça. Non, mais après, c'est vrai que c'est aussi quelque chose, c'est important de le dire. C'est vrai qu'il y a, bah, il y a toute une base indépendante que t'as fait aussi, hein. T'as fait, ouais, aussi tout ce boulot. J'ai fait beaucoup, tu l'as vu sur internet, j'ai fait beaucoup quand même. En tout cas, ça se voit. Et quand la major arrive d'un seul coup, c'est pour aussi franchir une autre étape. Ouais, donc, c'est pour franchir. Souvent, les gens disent, ah, le drame, les majors. Non, mais ils sont là aussi pour t'aider aussi, évidemment. Ouais, ils sont là pour m'aider, tu vois. Je vais jamais dire le contraire. Mais dans ma tête, j'étais pas comme ça. Ouais. Dans ma tête, c'était pas comme ça. Je me suis dit que la musique, c'est mon sang, Fred. C'est, je l'ai bâti. Les gens, j'ai commencé, les gens, ils rigolaient de moi. Un an après, c'est les mêmes gens qui rigolaient de moi qui sont là à m'aduler, entre guillemets. Tu vois, j'ai fait tout avec mon sang. J'allais au studio, j'allais à l'armée, je revenais, je prenais mes petites affaires, ma petite gueule de roue, je repartais, je revenais. Tu vois, je me suis battu comme un chien pour cette musique. Tu vois, qu'elle soit, que les gens ils disent qu'elle est bonne ou pas, je me suis battu, j'ai travaillé même l'album là, j'ai envoyé deux extraits, mais trois extraits là maintenant, mais j'ai envoyé plein de freestyle, j'étais toujours là sur les réseaux, j'étais toujours là à retweeter les gens, à donner de la force aux gens, à faire des featuring avec des gens, donc je me suis battu. Donc ça fait mal un peu de partager tout ça avec quand tu dis que tu vas prendre un petit pourcentage, tu vas prendre 10%, ça fait mal. Entre guillemets, mais c'est peut-être que ça va me ramener plus loin, donc c'est bien aussi, c'est une bonne aventure. J'ai voyagé, j'ai pu faire croquer mes potos. On est parti en Asie avec Nida, et c'est des continents qu'on n'a jamais vus. Mais ouais, c'est ça. Tu vois, on a fait des choqués. J'ai essayé de ramener beaucoup de monde, même si maintenant c'est plus possible. Faut qu'ils comprennent aussi, c'est plus possible de ramener beaucoup de monde parce que moi ça va me fermer des portes. Tu vois, même à Skyrock, tu l'as vu hier. Il y avait tout le quartier, il y avait aussi des gens que je connaissais pas, mais il y avait tout mon quartier. Moi, j'étais content, même si ça pourra pas se reproduire ultérieurement. Au moins, je suis content, ça s'est fait. Ils étaient là et, frère, de voir tous les mecs avec qui t'as grandi être là, c'est trop lourd. Bah, et puis, faut aussi comprendre qu'il y a aussi une évolution et que, bah, c'est comme une époque, tout le monde disait, ouais, mais quand tu quittes un quartier, machin, bah, t'évolues, tu peux pas non plus tout le temps rester au même endroit. Voilà. Des choses qui se passent, ça veut pas dire que t'oublies les gens, ça veut pas dire qu'ils sont pas dans un coin de ta tête. Voilà. Mais que la vie fait que, voilà, faut aussi avancer. Voilà, il y a des étapes et il y a des évolutions dans la vie. En tout cas, j'oublierai jamais d'où je viens. Je viens du 5-9, je viens de Chouette-Zer. Nouveau-Roubaix, c'est pareil, et toutes les villes du 59. Bah, que les gens y m'aiment ou pas, on est là, on fait pousser le 5-9 au maximum, voilà, on fait parler de nous en bien ou en mal, on fait parler de nous, donc voilà, on continue de donner la force. J'ai fait une mixtape gratuite, j'ai essayé de mettre plein de gens, j'ai mis des Malakai, des Boumara, des 59 grammes, des l'équipe de Camos, les gens de Villeneuve, les gens de Port-d'Ara, j'ai mis les gens de partout, j'essaie de donner au maximum, c'est pas pour me donner une image, c'est parce que moi j'aime bien. Ouais, tu le fais avec le cœur. Voilà, je le fais avec le cœur. Donc si maintenant aujourd'hui ça a pris, c'est pas aussi parce que je suis bon, c'est parce que les gens aussi voient que je suis pas une personne bizarre. Tu vois? Même si on raconte des trucs qui font que les trucs qu'on a vécu, quand je parle de l'armée ou quand je parle de la gueule de roue que j'ai vendue, c'est la vérité. Quand je parle des armes, c'est ce que je connais les armes. Mmh. Après, je suis pas un gangster. Je suis pas un gangster, tu vois, j'ai jamais été en prison. Bah, je pense que de toute façon, dans la musique, voilà. Les gangsters, ils ont d'autres choses à faire, en tout cas, voilà. Que de venir forcément dans la musique. Après, voilà. Ça fait partie de ton passé, de ton vécu. Voilà. Et des choses que tu racontes, d'ailleurs, dans tes textes. Voilà, les gangsters, ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous. Donc voilà, on essaye de faire promotionner le 5-9 au maximum, plus que le maire même. C'est vrai. Plus que tout. Donc voilà, en bien ou en mal, c'est bien, tant que ça parle du 5-9, ça fait avancer les choses. Parce que moi, quand je serai plus là, les gens ils vont écouter aussi les gens des autres personnes du 5-9. Donc c'est ça. C'est ça le délire. Et c'est l'important, et en tout cas le message est passé, et voilà. Je pense que là-dessus t'as rien à te reprocher, parce que c'est vrai que t'as mis enfin un point sur le 5-9, même si évidemment on l'a dit, hein, hier d'ailleurs avec toute l'équipe qui a débarqué, il y a toujours eu des rappeurs dans le 5-9, hein. Ouais, il y en a toujours eu, mais il y en a eu plein. Mais c'est vrai qu'au niveau national, c'est vrai que voilà, tu fais monter un peu plus le département, et pour une fois c'est vrai qu'on n'en dit pas que du mal, voilà. Puisqu'il y a des choses positives qui en sortent, et notamment ton album. Voilà, en bien ou en mal, de toute façon, en bien ou en mal, tant que ça fait parler du 5-9, c'est bon. Gradure, l'homme au bob, dans un instant on revient, bougez pas, sur Skyrock, on va passer des extraits. Qu'est-ce qu'on va mettre, Gradure, dans quelques minutes? Vas-y, on va mettre Macaque. Allez, dans un instant, Macaque qu'on a pu découvrir hier soir, on vous le repasse dans un instant. Let's go. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine. Tout le monde. Planet Rap. Hey yo, let's go. Elle est devenue l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Okay. Ce soir, Planet Rap, en direct avec Gradure sur Skyrock. Ladies and gentlemen, Gradure validé par Skyrock. Skyrock le reçoit en direct, okay. Et pendant une heure complète ce soir. Il y a du monde derrière ou pas? Avec Gradure sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Trap avec Gradure, l'homme au bob. Ça arrive lundi, ça y est, lundi dans les bacs. Enfin. C'est pas comment je suis fatigué là. Ah, je veux bien te croire que c'était une semaine éprouvante. En plus, le mix, on l'a fait même pas deux semaines avant de le mettre, une semaine avant le mettre sur iTunes. Parce qu'on avait des délais, c'était pas fini et on l'a fini à la va-vite, tu vois, mais c'est bien bon. Bah, il pète l'album, hein. Ouais. Elle va vous régaler dès lundi dans les bacs. Voilà. L'album de Gradure, on balance un morceau, ça on l'a passé en exclu hier soir dans l'émission. En exclu, un gros son que j'ai écrit dans les derniers, celui-là. Est-ce que tu me disais, il arrivait à la fin celui-ci? Au feeling, sans texte, je suis rentré comme ça. En ce moment, c'est ma méthode de travail, parce que j'ai vu Migos travailler comme ça. Mm-hmm. Et c'est pas mal. Ouais, t'as partagé quoi avec eux, même des moments de, hormis le clip. Ouais. Tu les as vus bosser aussi en studio, voilà. La façon dont ils bossent. Voilà, quand je les ai vus déjà bosser sur l'homme au bob, ils rentraient dans la cabine comme ça, ils disaient une phrase, ils trouvaient une autre phrase et boum boum. Et j'ai vu ça, c'était lourd. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Parce qu'en fait aussi j'ai parlé avec Jules. Mm-hmm. Et Jules il me disait que lui, il allait au studio tous les jours. Il me disait que même quand il avait pas envie d'aller au studio, il allait au studio. Ouais. Et juste quand il m'a dit ça, ça m'a mis une claque. Et je me suis dit que maintenant, même quand j'ai rien écrit, que j'ai rien, je vais quand même au studio et j'essaye de sortir un couplet ou deux textes. Ah, c'est ce que tu fais. Quand t'as un petit peu de temps, t'y vas. Voilà. Mais c'est lui qui m'a... Tu vois, quand il m'a dit ça, ça m'a mis une claque. Parce que moi, je me suis dit, je suis productif aussi. Lui, il est vraiment productif. Et quand il m'a dit ça, ça m'a mis une claque. Et c'est que du positif. Quand il m'a dit ça, j'ai dit vas-y, moi aussi je vais commencer à... Je lui ai dit ouais, t'as raison. J'ai commencé à aller au studio, même quand j'avais pas envie d'écrire. Et grâce à ça, j'ai réussi à écrire même 5-6 textes que j'ai mis, 5-6 sons que j'ai mis en dernier. J'ai enlevé des sons de l'album que j'avais déjà et j'ai mis les nouveaux. Et tu penses que c'est lié justement à votre génération, parce que tu parlais de Jules à l'instant, voilà, ta génération aussi, où il faut quand même aussi entretenir beaucoup, balancer beaucoup de morceaux. Tu crois que c'est lié à ça aussi? Ouais, c'est ça aussi. C'est ça. Le buzz, ça s'entretient. Ça veut dire que les gens ils sont là, il faut faire plaisir aux gens. Là tu vas leur faire plaisir, on balance le morceau Macaque, c'est parti. Vas-y, c'est parti Fred. Gradure. 5-9, chez Guess Squad. Chez Gay Squad, Schweitzer, nouveau Roubaix, en léger, tous les frères enfermés qui m'écoutent, en léger, toutes les prisons de France. Je suis sur le raid avec mes mocos. Wow. Je suis sur le raid avec mes mocos. Le 23 février. Parfois ça dit, on nage asphalte, on prend des risques. Les frères enfermés. Mais si seulement y'a du bénin. Et on sent pas les coups de la juge d'instruction. Je me faisais corriger à la ceinture comme punition. Brrr. Il fait la major, je dois faire kiffer le checks. Je dois sortir le dernier gamos pour gérer ses fesses. Vas-y poto, fais les bails, qui nous sale chez guettant que c'est de la maille. Remplis le coffre, dès qu'il est décalé. Sortez les meurs, les munes et les pailles. Y'a personne pour t'aider quand t'es dans la merde. On fait de la monnaie en gros ou des tailles. Les condés veulent t'attraper, serrer de coffrets de monnaie. T'es attaché comme du bétail. On s'en branle, faut payer le loyer à la maman, elle veut graille. Donc je suis obligé de sortir le fameux tiré dans le tas. Les gros, 5-9. J'suis sur le raid avec mes macaques. Oui, j'suis sur le raid avec mes macaques. Parfois ça rap, parfois ça deal. On nage l'asphalte, on prend des risques. J'suis sur le raid avec mes macaques. Chégué, chégué, chégué. Griffol, Magar, Boulogs, en léger. Parfois ça rap, parfois ça deal. Azouizer, si, on si. 22, l'allée, Condé, dans la cage de la guerre. C'est ça, le me colle la peau comme mon ex et les chewing gum dans rétro. Je vais les semer, leur mettre des tempêtes, c'est mon domaine. Une balle dans le foie, balle dans l'abdomen. Je vais même pas leur laisser sans savoir ce que je ramène. Si je me fais péter, je dirai jamais rien aux gens. Je balance pas comme ces rappeurs, moi j'ai le flow à John Doe. Ils veulent me serrer. Ouais. Comme la chatte d'une noisette. Que je prenne 10 piges, j'arrête le rap, ce serait du gâchis. Tous ces rappeurs de merde qui nous envoient des flèches, les emmerdes. Ouais, je les emmerde. Si c'est vos pères, 2-0-15, ils vont saigner leur mère. 2-0-15, on fouette. 2-0-15, ils vont saigner leur mère. En rotation sur toutes les radios, les TV, les checkers, les clubs, on était comme hiver. 2015, 5-9. Sur le raid avec mes mancoques. Oui, je suis sur le raid avec mes mancoques. Parfois ça rentre. Chouetzer, Nouveau Roubaix, toutes les villes du 5-9, on est ensemble. Foot Corner. Si, si. J'suis sur le raid avec mes mancoques. Oui, j'suis sur le raid avec mes mancoques. Parfois ça rap, parfois ça tire. Sofiane Boifia, Baltaz. On prend des risques. Chicken Squad. L'homo Bob de 0-15, négro. Chez Gay Squad, 5-9, grosse force à toutes les villes du 5-9, toutes les villes, Roubaix, Lille, Ouascal, Tourcoing, M, Isle-la-Noix, Croix, Lille, en léger. En léger, c'est l'homme au Bob. Voilà. C'est Gradure, notre invité encore ce soir pour cette dernière dans Planète Rap. Ouais, ouais, ouais. Entre 20 et 21, tu sais, tout à l'heure, je te demandais justement les images, les souvenirs que t'as de l'Asie, de l'Afrique. Ouais. Et les images que t'as du 5-9, justement, quand t'es gamin, quand t'es un peu plus jeune, c'est quoi? C'est les, bah, justement les bandes de potes, c'est... Ouais, les bandes de potes. C'est les foot qu'on faisait aussi. C'est vrai? Ouais. Les foot qu'on faisait. Quelle place tu jouais, toi? Moi, t'étais plutôt bon où? À un moment, j'étais attaquant. Mmh. Après, je passe arrière droit. C'est un menteur, c'était un gardien. Ah. Écoute-le, lui. Arrivé de Nida, qu'on salue. Nida en forme. Toujours. Nida, il a jamais joué au foot. Si, si, si, quand on était petit seulement. Il paraît qu'il a joué en Thaïlande au foot. Non, c'est fait l'homme, ça, c'est fait l'homme. Il paraît que ça jouait sévère sur les plages thaïlandaises. Ouais, ça jouait sévère. Donc ouais, c'est ça, c'est les souvenirs du 5-9, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toi, t'es né là-bas, t'es né dans le 5-9 aussi? Ouais, je suis né dans le 5-9. Donc t'es resté, ouais, t'as fait toute ta jeunesse. Ouais, j'ai fait toute ma jeunesse dans le 5-9. Dans le 59? Ouais, ouais. Et des bons souvenirs? Ouais, il y a des bons souvenirs. Et je suis content qu'aujourd'hui, on puisse promotionner le 5-9 au maximum. Que ce soit moi-même qui le fasse, c'est lourd. Hein. Et c'est à quel moment justement que vous avez monté entre guillemets le chez Gay Squad? C'est arrivé à quel moment Ça s'est fait comme ça en fait, d'une traite. Ça s'est fait comme ça. Il y avait Nida qui rappait déjà. Après, il y avait Brabra, le cousin à Kies. Tu vois, avec qui on a passé des nuits. J'écoutais ses sons, c'était lourd. Après, il y avait Kaïbs aussi qui était en prison, il venait de sortir. Après, je l'ai rappelé, boum, ça s'est fait comme ça d'une traite. On a dit, vas-y, viens, il faut qu'on fasse un son entre nous. Ça s'est fait, ça a pris et ça fait plaisir. Donc, ça va être les projets pour 2015. Il y a évidemment ton album qui arrive là lundi. Et puis pousser des gens, ce que tu disais en début d'émission. Le but, c'est aussi de pousser les gens qui sont là avec moi. J'ai envie de pousser Kaïps, Nida, Brabra. Après, il y a Ron aussi. Il y a Ron aussi, mon petit cousin, qui commence à rapper, tu vois. Mais ça va, il a du talent et petit à petit, ça va prendre doucement. Yann Doki, après Yaki, mon petit coup de cœur aussi de 2015, c'est Niska, que j'aime bien, avec qui j'ai avec fait qui t'as fait le son déjà. Ouais, ouais, et je kiffe ça, et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un truc aussi. Dans... Le morceau d'ailleurs s'appelle Remember, qu'est-ce que tu veux qu'on mette d'ailleurs là maintenant, Gradure On va mettre Bloody Murder. Bloody Murder. Ouais, ah bah, très bien. Ça aussi, c'est un extrait qu'on a pu découvrir cette semaine. Voilà. Bloody Murder, c'est un extrait de l'album. Tu vois comme quoi il n'y a pas que des sons trap. Ah non, bah c'est vrai que c'est assez varié l'album. Hein. Ouais, ça va être la surprise aussi pour plein de gens parce qu'évidemment on n'a pas tout passé. Mm. Vous allez voir, il y a des morceaux qui sont assez incroyables. Ouais, il y a c'est le, cool. Moi, il y a le Vert de Sky en particulier que j'apprécie. Ouais, Vert de Sky, il est pas mal. Qui a un morceau. Alors peut-être que c'est le nom Vert de Sky, je sais pas. Stringer Bell, c'est vrai que c'est un gros titre aussi. Ouais, Stringer Bell, il est lourd. Très très lourd même. Il y a Confession qui conclut l'album. Enfin, vraiment, il y a plein de bonnes choses sur. Je me livre un peu où je parle de moi, je me critique même. Tu vois? Autocritique. Et voilà, une autocritique, et c'est pas mal aussi. Et puis il y a évidemment les featuring, ça, on en a parlé, mais avec Migos, Chief Keef. Kaina, le morceau avec Kaina aussi. Celui-là, il est très très lourd. C'est un coup de cœur aussi, ça. Ouais, morceau avec Kaina Samet qui s'appelle Secteur. C'est un coup de cœur. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé, je fais une grosse force, une grosse dédicace. Je suis content qu'elle ait accepté. C'est mon petit frère qui m'avait parlé d'elle, il m'avait dit vas-y, ramène-la, et je l'ai ramenée. T'es énervé. Et bah là, en attendant, on écoute donc le morceau Bloody Murder. Voilà. Jordi, Abdé, Ohebs, Timalik, Selim Boutarfa, en léger, Pépon, Hamid Widwid, en léger frérot, la sortie. J'fais peur au game comme Bloody Murder. Ton chargeur, what up ton chargeur? 3, 5, 7, la boule dans le rover, dans les cités Carter, Barbal, Gilles, Steven, mon petit frère, non léger. J'ai mis du temps, mais bon, je suis revenu comme Jordan. Christopher, Isaac. Dédicace à tous mes détenus, la gauche dans le caleçon. Cargaison, pas de contrefaçon, que des putains de tessons. Plus gros que ta pute, plus gros que ta maison. Leur pose pas trop de questions. La traite négrière évolue, augmente le revenu. Le nez plein de coq, ça pète le menu. Que de la drogue dans l'avenue. Bah ouais, ça défile que des queches là. La chatte à Kesha. Le minou rasé, pire que Tyrine. Ouais, Marianne, faut que ça glisse. La loi de la street, j'apprends la leçon. L'argent comme raison. Parfumé par toutes les saisons. Coffee shop dans le checkson. Je te l'ai déjà dit, je suis dans la tourmente. J'rêve que des sommes gourmandes. Propolite que des berlines allemandes. Va pas parler ton commande. J'ai 23 piges, un jeune de cité. J'rêve de m'en sortir. J'ai dans le fut, tu vas te la sentir, donc tu ferais mieux de partir. Bah ouais, 5-9, ma street, c'est ghetto. Compare pas au rap game. NVR, chouette, 0 PM, Lille Tourcoing jusqu'au carrière. Je suis qu'au début de ma carrière. 5-9, on est ensemble. Je fais peur au game comme Bloody Murder. Comme Bloody Murder. D'ailleurs, ton joint est chargé, fuck ton chargeur. Ouais, fuck ton chargeur. 3, 5, 7, la boule dans le rover. Dans les sacs, Khalid, Yassine Elbad. Si, si. Fais ça. Ouais, fuck les donneurs. Je fais peur. Mamoudou, t'as foutu la merde hier en soirée. En léger. Baila, Lardon. En léger, Rafik. Le rap game c'est pire qu'un gros film de boule. Que des hypocrites qui s'enculent. Trop gamos sans location que de la fuite. Il est l'âme doute. Allez écouter, c'est tous des gangsters. Ils font la guerre dans le rap. Yannick Wizzy. Plus pire que des chats, se prennent tous pour Biggie and Pac. Plus mature que du haut de ma vingtaine. Ce que je dis est réel. Rappeur du peuple, écoutez dans tous les checks, toutes les ruelles. Ah, bizarre. Si, si, on est ensemble, ma chéguesse. Au lieu de médiser. Aujourd'hui t'as mal, tu regrettes comme ta première branlette. Bah ouais, histoire géo, c'est la même. Volons nous traite de merde. Bientôt ils comprennent les chiffres, vont voir à leur concert. Des traces de fouet sur le corps, aucune arme sur le visage. Le regard revolver des games si tu dévisages. J'fais peur aux games comme Bloody Murder. Comme Bloody Murder. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur. Ouais, fuck ton chargeur. 3, 5, 7, la boule dans le rover, dans les cités Carter. Barbal, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs. J'fais peur au game comme Bloody Murder. Comme Bloody Murder. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur. Ouais, fuck ton chargeur. 3, 5, 7, la boule dans le rover, dans les cités Carter. Barbal, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs. Ouais, 5-9. On est ensemble, mes chéguets. Force au max. Et toutes les villes de France, tous ceux qui soutiennent, toutes les prisons de France aussi. Faites péter le son. Faites péter le son. En léger. Jordi. L'homme au bob, ça arrive. Vous retrouverez aussi ce morceau qui s'appelle Bloody Murder à l'instant. Avec Gradure, notre invité. Qu'est-ce que tu as beaucoup écouté ces derniers temps, Gradure, en autre artiste aussi bien français que ricain? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que t'as... En ce moment, ouais, j'écoute beaucoup de Quinry. J'écoute beaucoup de Quinry, des Johnny Cinco, des Migos, des Skipa da Flipa. Il y en a plein comme ça. En ce moment, c'est ça que je kiffe. Le Jomi Kwan, c'est souvent des mecs d'Atlanta en ce moment. Ouais, c'est vrai. C'est tendance Atlanta, ouais. Ouais, c'est la tendance. Lil Durk aussi, j'aime bien. Tous ces mecs-là, c'est des mecs qui sont jeunes, des Young Thug. C'est des mecs qui sont jeunes, qui sont talentueux, qui sont en train de tout péter en ce moment là-bas. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de faire un son avec Migos, tu vois. Migos qui est présent, ouais, sur l'album, c'est ce qu'on disait sur Diez l'homme au bob. Ouais. Et en France, j'écoute un peu de tout, hein. J'écoute un peu de tout. Le dernier Lacrim, c'était très très lourd l'album. Le dernier album de Niro aussi, il y a beaucoup de sons qui étaient lourds. Ah bah tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Niro, mais le featuring, le militarisé, ouais, dessus. Il est sale, hein, celui-là. Voilà, celui-ci. Ah, celui-ci, il fait mal. Il est venu, il a fait ça, paf. Anita, qu'est-ce qui se passait? Tu approuves aussi? Je te vois mort. Je te vois remuer sur le siège, là, genre, ouais, c'est vrai. Ouais, le son, franchement, c'est un mec cool. C'est un mec cool. Il est venu, il a fait ça en taf. En 20 minutes, c'était bouclé. Et pareil, qui vient aussi de province. C'est vrai qu'en ce moment, il vient de Blois. De la ZUP de Blois. Et c'est vrai qu'il y a une vraie poussée, en tout cas. Ouais. En ce moment, voilà, ça pousse d'un peu partout, ouais, et tant mieux. Ça pousse d'un peu partout. C'est bien. C'est bien. Comme ça prouve que partout en France, il y a des gens qui sont bons. Et le morceau incroyable, ouais, militarisé. Ouais, militarisé, il est très lourd. Je pense qu'il va faire mal celui-ci, ouais, quand vous allez l'avoir dans les oreilles. Très très mal. Après, il y a qui encore que j'écoute? Ouais, c'est un peu tout, hein, tu vois, rap français, j'écoute tout, hein, Caris aussi, j'écoute. Après le dernier Booba, il est... Le dernier album d'Alonso, là, très très lourd. Règlement de compte. Il y a un morceau qui est pas mal, qui s'appelle Brinks. Ouais. Il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Même les sons avec Maître Gims, très très lourd. Et après, il y a Tony Sosa, c'est mon coup de cœur aussi, ça. En ce moment, ouais, c'est. Ouais. Bah, il est arrivé cette semaine, ouais, le morceau. Ouais, il est très très lourd. Je lui ai même envoyé un message. Je lui ai dit, le son là, il est très très lourd. Hein. Il m'a dit, ça va chier. Booba, il m'a dit, ça va chier. Ah, ça va chier au retour. Il m'a dit, ça va chier. Et peut-être, d'ailleurs, une connexion entre vous deux, ça, tu lâches pas trop l'affaire, mais. Ouais, on verra. 2015, c'est grand. C'est loin, 2015. 2015, c'est loin. En tout cas, voilà, on est là. Il me donne des conseils. Il me donne des conseils et voilà, il m'a donné la force aussi pour l'album. Donc pour toi, l'idée 2015, puisque là on va finir avec un dernier morceau et faire tourner la roulette. Mais l'idée pour 2015, c'est évidemment donc de faire une tournée, je suppose. Ouais. Il y a une date là, le 25 février au Bataclan. Ouais, c'est pareil. À pas louper. Et c'est quoi? Prendre un peu de repos aussi, t'en as besoin? Ouais, je crois que j'ai besoin de repos. T'as besoin de te retrouver un petit peu? Ouais, j'ai besoin de me retrouver, même de pouvoir encaisser tout ça. Tu vois, parce que c'est pas facile. Ah ouais, mais c'est vrai pas, que c'est. C'est vraiment pas facile. Les gens ils voient pas, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de trucs à gérer. Et bah, il voilà. Y a le rap et puis il y a tout ce qui va autour. Il y a tout ce qui va autour. Tu vois, le rap ça va, mais c'est ce qu'il y a autour du rap. Qui parfois peut être épuisant au quotidien. Ouais, c'est épuisant. Et qu'il faut, voilà, il faut savoir se ménager, savoir. Voilà, si j'avais fait ça, j'étais là depuis le début. Depuis 10 ans. Tu vois, ça serait facile. Bah, on comprend un peu mieux. C'est vrai qu'on parlait de Booba, mais on comprend un peu mieux aussi pourquoi il est parti à Miami aussi à un moment. Parce que, bon, évidemment, il y avait son idéal américain, parce que lui a toujours été un peu américain dans la tête. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est arrivé aussi à un tel point où, voilà, se retrouver un petit peu, partir. Ouais, il peut pas marcher dans la rue, frère. Ouais, ça devenait compliqué, quoi. C'est ce qu'il expliquait. Il disait, moi, j'avais une nouvelle caisse à l'époque quand il venait à Skyrock. Hein, je me souviens ce qu'il me disait. Il disait, ouais, quand j'avais une nouvelle caisse à Paris, tout le monde voulait te la rayer tout de suite. Enfin, tu vois, alors que quand t'es aux États-Unis, justement, on regarde la caisse, on se dit, putain, je veux la même. Et je vais tout faire pour avoir la même, quoi. C'est vrai. Aux États-Unis, c'est notre mentalité. C'est notre mentalité, même au niveau de la musique. Qui est pas tout le temps non plus extraordinaire. Mais en tout cas, là-dessus, il n'y a pas une jalousie comme ça. Ou en tout cas, jalousie dans le sens en disant, il a eu ça, moi aussi, je peux l'avoir. Ouais, voilà. C'est dans le bon sens. Ouais, dans le bon sens. Là-dessus. Voilà. Bon, on te souhaite de te retrouver et de surtout vite venir nous rejoindre. Ouais. En tout cas, avant de se quitter, on met un dernier morceau. Ouais, on va mettre Terrassé. Terrassé? Ouais, non, même pas. C'est le dernier morceau là? Ouais, c'est le dernier morceau. Vas-y, je vais mettre un freestyle. Freestyle? Ouais, un freestyle de Ron. Tu vois? Ah bah très bien. Bah, présente-nous alors, Ron. Vas-y, Ron, présente-toi. Ah bah il est là en plus dans le studio. Voilà, il est là. Ok, ok, moi c'est Ron Noir. Ça va bien Ron? Ça va très bien, ça va très bien. Donc toi voilà, tu fais partie de cette nouvelle garde aussi du 5-9. Ouais, voilà, 5-9. Moi je suis du même quartier, Schweitzer. Et je suis venu avec mon cousin aujourd'hui, on va freestyler. C'est mon premier freestyle. C'est ton premier freestyle? Ouais, c'est mon premier freestyle. Et ben on y va, c'est parti. Okay. Vas-y. Ron Noir. Oui, oui. Chez Gay Squad. Allo 9 milli comme quoi j'y ou gango. Et tu me parles du mimili, moi je veux le million. Si j'ai pas 70% sous le porte lève. Mes négros sont locaux, les produits sont locaux. Tant de pute, on va lever le Cisco. Silence et cloque. T'es Max, Air Max, Negros, Bamos, hasta luego. Je vais te dire capitaine avant le casser. Pas noir ni caca. Roubé te refait entrer des trappes, ils attrapent cette chaîne et lui fait hachek. Quand je fais hachek, je presse la chenèque. Le doigt qui presse la chenèque presse la gâchette. Escroqueur de faux quand je scroque les pochettes. Comme d'hab avec mes négros foncés. Comme d'hab on est trop défoncés. Pour l'instant que c'est pas de l'eau. Un verre, ok, deux femmes, je suis posé dans un gros cylindre. Et kilo de 7 c'est dissimulé. Faut chèque de bon grand noir. Esco, Timon, le vaut, Pablo, Esco. Esco, Esco, Esco, Esco, Esco. Quoi, je suis Django. Tu me parles du mimili, moi je veux le million. Million, à 110% sur le temps, te lève pas. Enlève, Ronnoir. Ronnoir. Ça arrive, 5-9. C'est le chez Guess Squad. C'est le chez Guess Squad. Style, ça arrive. En léger. Eh, combien t'es quel âge, toi? 19 ans. Ça promet? Ouais. Il vient de commencer seulement, tu vois. C'est le petit frère à Felhomme aussi. Hein. Petit frère à Felhomme. Ouais. Felhomme, c'est mon grand frère et Gradur, c'est mon cousin. Et voilà. Et bah bravo à toi. On peut te suivre aussi pareil. On peut te suivre sur le net un peu partout. Ouais, sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, très simple, Ron Noir. C'est ROHN, à deuxième N, O, I, R. Voilà. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram. Il n'y a pas encore de son sur YouTube, mais ça va vite arriver. Ça arrive. Voilà. Ouais, c'est parti d'un délire comme moi, tu vois. On s'amuse, on écoute de la musique tous les jours, on s'amuse. Et ça kick. Et voilà, et ça kick. Bon, en tout cas, merci vraiment pour cette semaine. Merci à toi, Gradur. Ouais, grosse force à toi, Fred. Je te souhaite beaucoup de chance pour cet album. Voilà. Merci, allez vous plonger, allez plonger une oreille, même deux, voilà. Sur l'album de Gradur qui sort lundi. Merci à toute l'équipe du chez Gay Squad. Angelo, Nida qui était là. Kaïps, qu'on salue. Kaïps, bra-bra, les frérots. Bra-bra. Ensemble, brava. Le bra-bra. Le double bra. Brazakil. Donc voilà, grosse force à tous ceux qui soutiennent. Tous ceux qui ont précommandé l'album, qui m'ont envoyé les photos sur Instagram, ce soit les footballeurs, les athlètes français, les Teddy Tongo, les Noah Lounsi, les J-Max, les Drogba, voilà tous les gens qui soutiennent, ça fait grave plaisir. Et puis les milliers, voire j'espère en tout cas millions de paires d'oreilles qui ont écouté cette semaine en tout cas. Voilà. Et qui vont aller se plonger dans les bacs dès lundi. Voilà, en tout cas grosse force à toi Fred et voilà, grosse force à Laurent aussi, on est ensemble. On rappelle deux, trois trucs, c'est que lundi la sortie, lundi t'es aussi à Lille, du côté de Lille. Lundi je suis à Lille et je vais envoyer des équipes aussi à Paris. Je vais envoyer des équipes à Paris qui donneront des t-shirts aussi, je le donnerai, je dirai dans mes réseaux sociaux. Et, on sera à Châtelet, on sera à Foot Corner aussi à Lille. Et voilà. Et puis mercredi, le concert au Bataclan. Ouais, mercredi, le 25 concert. 25 février, loupez pas. Merci vraiment à vous en tous. Léger, ouais. Squad, mon pote. Merci à toi, Gradu. Merci grosse à vous tous. Je sais que vous êtes pressés en plus. Vous partez direction Marseille. Marseille. Et Félam, il attend toutes les Marseillaises là-bas. Marseille. C'est pas vrai. Sale bâtard. Félam, toujours. Marseille, on est ensemble. Et le 13. Du côté de Marseille, vous allez pouvoir voilà, retrouver Gradu. Voilà, grosse passe à Alonso, à Jules aussi. En léger. Et merci à vous tous. Et là, juste avant de se quitter, allez, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus la PS4 qui va avec. La roulette à l'eau qui tourne avec Jeffrey. Exact. Remets-nous des glaçons. Ah, le truc qu'on doit pas te faire en ce moment en plus, Jeffrey. Tous les jours. À tous les jours, mec. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Bon, tout va bien du côté de Rethel dans le 08. Ouais, à part le temps, mais sinon ça va. Ouais, bah, ça peut te rassurer, hein. C'est pas mieux ici. Hein. Ouais, c'est un peu pareil partout. Allez, on fait tourner, le week-end commence pour toi, Jeff. Là, tout de suite, donc c'est très bien. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. The Order 1886. Eh ben le jeu The Order 1886, il est pour toi. Et peut-être demain matin avec Vincent entre 6h et 9h. Jeffrey, non pas des glaçons, mais la PS4 pour toi. Ouais, c'est très cool, c'est gentil, merci Skyrock. Eh ben bon courage, merci à toi Jeffrey, bon week-end. Merci, bon week-end, ciao. Et bon week-end à vous tous, bonnes vacances aussi si c'est le cas. Je vous retrouve tout à l'heure juste après Default pour la nocturne 100% rap français. Et puis je vous retrouve aussi la semaine prochaine pour Planète Rap spécial Ali. Ali, la moitié, l'autre moitié de Lunatic qui vient et qui débarque avec un nouvel album en solo. Pure merveille à découvrir dès lundi 20h-21h. Passez un bon week-end, bonnes vacances. Default est là. Et toute l'équipe, c'est parti. La Radio Libre. Oui, Fredo, on est là. Et c'est parti pour la Radio Libre. En direct ce soir, vous pouvez profiter de cette belle soirée qui va démarrer. On va faire plein de trucs et on va se faire un petit coco d'Otigenesis là pour démarrer la soirée. Bon choix. Et je le sais. C'est pour vous. On l'a choisi pour vous pour bien démarrer ce vendredi soir. Bonsoir la Marie qui fait son entrée, une entrée fulgurante dans le sud. Fracassant. Ouais, je cours, j'ai failli me casser les gueules. Tout va bien. Bonsoir voilà. Tout le monde. Marie a failli se vautrer dans la vitre. Juste en face. C'est ça. Bon, bienvenue à toi, Marie. Merci, bonsoir. Bon, vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous voulez passer dans l'émission 01 53 40 30 20 au 41 759 sur l'appli Skyrock. Vous laissez vos messages dans un instant. Il arrive, il est là. C'est lui qu'on va retrouver. I'm in love with the coco. OT Genesis tout de suite sur Skyrock. I'm in love.